ça devient curieux les soldats. Quand ça veut plus du tout mourir, y a quelque chose qui se passe. L'entrain manque. Voyez ces jolis officiers emporter leur armoire à glace, déménager leurs plus précieux biens. La petite amie en torpedo priorisante, on les reverra pas de sitôt, le grand jour du jugement dernier, un jour de gloire comme les autres. La terre tourne quand même, nom de Dieu, on offre ça au cinéma, les champions du monde de la guerre, on retournera ça tout autrement. Vous savez la jolie nageuse qui recule but sur son tremplin, rejaillit là-haut à l'envers, on fera ça pour l'armée française. De Saint-Jean le Pied-Port à Narwick, tout à l'envers, et tout se passera parfaitement. Et tout le monde sera bien content, les vaincus seront de l'autre côté, c'est tous contents, c'est déjà fait. Non, mais vous avez vu un peu tous ces prisonniers qu'on va mettre. Ils passent dans le camion de la viande. Malheureux du bétail. L'esprit est pour nous, c'est le principal. Et qu'as-tu fait de ton fusil? Il est resté au champ d'honneur. Il y a quelque chose qui se passe. L'entrain manque.